dois être au jardin. Ou peut-être à la mer. Allonger tes pensées. Comme on lance des pierres. Tu m'as jeté au vent. Jeté au vent amer. Amer, tu m'as laissé. Moi, t'as fui ma lumière. Bien sans moi, et qu'au fond de mes bras il y fait trop froid. Toi tu dis que t'es bien, que t'es bien, que t'es bien sans moi, et moi y'a quelque chose qui fait que j'entends pas. Quelque chose qui fait que j'en...